Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Radio Phoenix et sur la chaîne Twitch de Phoenix pour un peu plus d'une heure à l'occasion du 8e festival Chantier Commun. Chantier Commun, c'est près de 60 événements organisés au mois de mars dans toute la Normandie par l'association Territoires Pionniers pour parler architecture, urbanisme, paysage et transition écologique, pour mettre en avant les belles initiatives normandes comme les bonnes idées venant d'ailleurs, ainsi que les acteurs et les actrices qui les portent. Je suis Félix Pareja, co-directeur de Territoires Pionniers, et ce soir sur Phoenix, j'ai le plaisir de recevoir les membres du collectif Les Voix de la Ville avec Anne-Sophie, Manon et Simon. Bonsoir à toutes et tous, chers invités. Merci de votre présence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Manon, est-ce que tu peux nous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs de Phoenix ce qu'est le collectif Les Voix de la Ville et comment il a été créé ? Bien sûr, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, on est ravis d'être avec vous ce soir. Alors, pour vous parler un petit peu du collectif Les Voix de la Ville, on est un collectif de créateurs et de créatrices de contenu sur l'architecture, sur l'urbanisme, sur divers médias, donc du format podcast audio, aussi du format vidéo YouTube ou réseaux sociaux. Et donc, pour vous raconter un petit peu la naissance du collectif, tout est parti d'une belle journée en 2024 ou 2025, début 2025 je crois, où avec Colline François, donc qui est mon associée du podcast Rêve la Ville, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de créateurs justement qui faisaient de la création de contenu, mais qui travaillaient un peu chacun de leur côté, qui étaient vraiment voilà, de leur côté à créer du contenu soit sur les plateformes audio, soit sur les réseaux, soit sur les plateformes vidéo. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il existait vraiment beaucoup de personnes qui commençaient à faire tout un travail de vulgarisation sur le domaine de l'architecture, de l'urbanisme. Et on s'est dit, bah, tout simplement, c'est vraiment trop bête qu'on soit chacun de notre côté et qu'on ne se connaisse pas forcément encore très bien. Et on allait parler à des personnes qu'on avait commencé à repérer sur les réseaux. Et de là est née une rencontre en physique, une première rencontre en physique à Paris. Autour d'un verre, donc souvent on dit que tout a commencé dans un bar, c'est pas si faux. tout simplement pour se rencontrer, pour discuter un petit peu de notre activité, de savoir aussi comment les créateurs faisaient tenir aussi leurs différents médias, parce qu'effectivement on est beaucoup de créateurs à avoir une activité à côté. Donc c'était aussi se rencontrer et savoir comment on s'organisait au quotidien pour créer du contenu sur l'architecture, sur l'urbanisme de manière assez vulgarisée. Et donc, ça, travail de vulgarisation, ça demande aussi beaucoup de travail de source, de travail derrière pour effectivement le construire. Et donc, on a commencé à se réunir, à discuter, et de là a émergé l'idée de créer un collectif, donc déjà pour s'entraider, mais aussi pour faire plein d'autres choses. Je vais laisser la parole à Anso qui va vous dire un petit peu aussi du coup qui est dans le collectif et quelles sont nos activités, mais cette rencontre en tout cas a fait vraiment émerger beaucoup d'envies partagées. Ouais, alors moi j'étais pas là le premier soir du bar, mais heureusement on s'est rattrapé après. Donc dans le collectif, on est une douzaine de personnes indépendantes et indépendantes qui avons soit des podcasts, soit du contenu vidéo sur les réseaux sociaux, par exemple, lié aux questions évidemment d'architecture et d'urbanisme. Et on se retrouve dans des valeurs communes qu'on a un peu mis à plat dans une charte du collectif, qui sont donc l'inclusion et la solidarité, des valeurs d'écologie et le fait qu'on fasse ce travail-là à but non lucratif. Donc ça garantit vraiment l'indépendance de nos points de vue. Voilà, là on est en train de se structurer un peu plus parce qu'en fait tout ça, ça a été très vite entre le printemps dernier, puis la création du festival dont on va nous parler 6 mois après. Donc là, on structure un petit peu les statuts de l'association et on espère pouvoir accueillir plein de nouvelles personnes très bientôt. Merci Anne-Sophie. Simon, tu veux nous en dire un peu plus sur le festival des Voix de la Ville, qui je crois a connu sa première édition, c'est ça, en mi-janvier de cette année ? Ouais, tout à fait. Du coup, je rejoins Anso et Manon pour vous remercier de nous inviter ce soir. Effectivement, le collectif très vite C'était chouette de pouvoir se retrouver, de co-créer ou en tout cas de s'entraider sur ces idées de création de contenu. Et en fait, on s'est assez vite aperçu que ça ne nous suffisait pas. On avait besoin de faire quelque chose ensemble. Et de là est née effectivement l'idée d'un festival. Donc un festival qui a eu lieu, effectivement la première édition a eu lieu là en janvier à Paris, à l'Académie du Climat, donc l'ancienne mairie du 4e arrondissement, où donc le 15, c'était le 16 pardon, et 17 janvier 2026. Et en fait ce festival, il est né un peu, et on est content parce qu'on est aussi, on a sorti notre premier épisode disons le deuxième épisode, mais le premier de la série de notre podcast Les Voix de la Ville, aujourd'hui. Et dans cet épisode, il est question justement de retour sur le festival, de comment il s'est créé ce festival. Donc je vais rapidement en dire quelques mots, mais il y a une heure qui existe sur notre podcast, donc j'inviterai ensuite à aller écouter. Mais du coup, effectivement, ce festival, au départ, c'était l'idée d'une rencontre de créateurs et de faire un événement un peu public autour de ces sujets, de la vulgarisation, autour des sujets d'archi et d'urbanisme. On s'est dit, on va faire ça dans un bar. Et très vite, c'est parti. C'est parti dans tous les sens. Et on s'est dit, non, en fait, on va pas faire un bar. Ça va être beaucoup plus complexe que ça. Et donc, ce festival, grosso modo, c'était deux jours où on a organisé des conférences, des tables rondes sur des sujets de l'urbanisme et de l'architecture, mais de manière assez large, avec tout le temps des entrées un peu nouvelles, ou en tout cas qui ne sont pas des entrées très techniques de l'archi. Ça ouvre justement vers le grand public. Il y a eu, en parallèle de ces tables rondes et de ces conférences, des expos d'illustrateurs. Il y a eu une expo qui était portée aussi par le pavillon de l'Arsenal, House Europe. Il y avait une expo sur des systèmes lumineux qui était portée par une entreprise qui s'appelle Concepto. On a eu des bornes d'écoute aussi qu'on avait mis en place. Donc c'était des espèces de petits espaces un peu cocooning où on mettait à disposition des casques avec des lecteurs MP3 pour pouvoir écouter les contenus des créateurs et créatrices du collectif. Il y avait un stand librairie, et donc les invités qui étaient présents aux tables rondes pouvaient effectivement aller faire ensuite dédicacer leurs livres. Enfin voilà, il y avait un florilège de petits éléments par-ci par-là. On a accueilli une chorale aussi. Enfin bon, on a essayé de mélanger tout un tas de formes d'art pour pouvoir mettre à l'honneur la création de contenu d'une part et l'architecture et l'urbanisme d'autre part. Et tout ça autour d'un thème qui était les nouveaux récits et nouveaux imaginaires. Autour de la fabrique urbaine, justement. Quoi, ce rapport entre les territoires, les récits, ces voies de la ville, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce manifeste ? Oui, tout à fait, on peut même en faire une lecture en live, si tu veux, Félix. Avec grand plaisir. Alors, c'est parti. Raconter une histoire, c'est ouvrir une brèche par laquelle quelque chose peut enfin changer. Depuis l'enfance, les récits nous façonnent. Ils éveillent nos émotions, guident notre regard et orientent nos choix de vie. Aujourd'hui, alors que nous nous pensons guidés par notre raison, nous sommes plus que jamais traversés par des histoires. Celles qui saturent nos écrans, nos conversations, nos imaginaires. Les récits transforment notre vision du monde et permettent de nous projeter dans l'avenir. Pourtant, notre époque, sur fond de crise écologique, politique, sociale et démocratique, semble nous crier qu'il est illusoire de penser au futur, tant notre présent réclame notre attention. Pas étonnant, alors, que se projeter dans un avenir désirable devienne si difficile. Nous nous y trompons pas, ce sentiment d'impuissance est le fruit d'une histoire que l'on nous assène chaque jour. Et si le problème, au fond, n'était pas notre réalité, mais la manière dont elle est racontée ? Changer de narratif ne signifie pas fuir cette réalité ni l'adoucir. Au contraire, il s'agit de la regarder en face et décider que tous les possibles n'ont pas encore été explorés. Que se passe-t-il alors si nous décidons de braquer les projecteurs ailleurs ? La ville est l'un des lieux où les récits s'incarnent. Nous ne construisons pas seulement des murs ou des quartiers, mais des façons d'habiter, de produire et consommer, d'être en lien. Convoquer de nouveaux imaginaires permet d'ancrer dans la matière des futurs possibles. Créateuristes de contenu, nous cherchons à révéler ces récits qui existent déjà. Être réunis en collectif nous rassure. Sans même nous connaître, nous partageons naturellement des préoccupations communes et trouvons dans cette dynamique collective la force de nous saisir de ces enjeux, qui rencontrent aujourd'hui un écho de plus en plus fort auprès des professionnels. Ensemble, nous avons une responsabilité sur les imaginaires que nous bâtissons et que nous mettons en avant, ceux qui créeront de nouveaux moyens d'agir pour donner forme et vie à nos villes et territoires. Voilà un petit peu ce manifeste en mots. Merci Anne-Sophie, Manon et Simon pour cette lecture à trois voix de la ville de votre manifeste. Vous l'avez dit, des récits et des histoires dont on est aussi un petit peu saturé avec une époque où justement on est très exposé à une quantité de récits et de narratifs avec des problématiques qui se posent. On avait encore une conférence récemment dans notre festival Chantier commun avec Guillaume, qui est un chercheur québécois qui travaille justement sur l'idée de débrancher la ville et qui nous parlait un petit peu des conséquences de la numérisation sur l'espace public et la brouille entre la frontière entre l'espace privé et l'espace public. Tu disais, Manon, que vous étiez des créateuristes de contenu. Est-ce que vous n'êtes pas des créateuristes de récits aussi à l'occasion? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les récits que vous portez chacune et chacun, puisque vous avez tous des pages, des podcasts, des chaînes, où finalement vous parlez aussi depuis vos points de vue situés et vos vécus d'architecture, de ville, de territoire, avec des thématiques variées et en partant aussi de vos disciplines respectives. Si je commence par toi, Manon, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu portes comme projet individuellement ou en lien avec Colline François, il me semble, c'est ça ? Tout à fait, bah avec grand plaisir. Bon déjà, pour le collectif, c'est vrai que je pense qu'on se place beaucoup, non pas comme faiseurs de récits, on va dire, mais plutôt comme des personnes qui mettent en lumière des récits qui existent déjà, en fait, des choses qui existent déjà dans les pratiques des architectes, des urbanistes, mais qui ne sont pas forcément encore visibles. Donc voilà, c'est vraiment notre positionnement, c'est de mettre en lumière déjà les choses qui existent déjà pour penser justement le futur des territoires. Et oui, donc du coup, avec mon acolyte Colline François, on mène un podcast qui s'appelle Rêve la ville, qui existe depuis 2020, qui est parti d'un constat un peu simple que j'ai fait quand j'ai commencé ma vie professionnelle, c'est que j'ai l'impression que l'urbanisme, c'était un peu comme la discipline de médecine, c'est-à-dire qu'on avait tous le même diplôme, mais on avait chacun notre spécialité et on agissait voilà, chacun sur une partie du corps humain, mais sans jamais trop se parler du corps humain en tant que tel dans son entièreté, alors qu'on avait tous, toutes et tous une action sur lui. Et donc il y avait peut-être un besoin de mettre les défis en fait, qui se posent à l'urbanisme sur la table et essayer de le regarder de manière le plus dézoomée possible, d'interroger justement les défis qui se posent à l'urbanisme, et d'essayer de trouver des réponses à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle un peu plus globale. Et donc, c'est vraiment le but de ce podcast Rêve la ville, qui est disponible sur les plateformes audio, c'est vraiment de s'interroger sur les défis qui se posent à l'urbanisme, et d'en discuter avec des professionnels, donc des chercheurs, des chercheuses, pour commencer, pour vraiment décrypter les problèmes qui se posent, et après, des professionnels pour voir du côté des solutions. Et donc, on a 4 saisons qui sont disponibles sur les plateformes. Une première qui est portée sur la question des inégalités territoriales, pour comprendre vraiment comment elles se formaient et comment ça se faisait qu'on les répétait quelque part malgré nous. Une deuxième saison sur l'adaptation au réchauffement climatique. Une troisième saison sur la place de l'urbanisation par rapport à l'étalement urbain et donc la place des sols agricoles plutôt. Et là, on est en train de diffuser une 4e saison sur la montée des eaux, l'adaptation face à la montée des eaux. Donc, c'est des problématiques à chaque fois assez spécifiques parce qu'on s'adresse plutôt à un profil de professionnel de l'urbain. On essaye bien sûr d'être le plus accessible à toutes et tous. Parfait, merci Manon. Oui, en plus, sur des sujets qui concernent tout à chacun, finalement, c'est aussi un travail un petit peu de médiation que vous portez. En tout cas, un travail de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère. Anne-Sophie, toi, de ton côté, il me semble que tu as un projet qui s'appelle Les Mots Sauvages et un autre, Les Archiculteurs. Tu veux nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Donc, le projet des Archiculteurs, il est né il y a 5 ans, à un moment où je cherchais un peu ma voie dans le monde de la construction. Donc, j'étais diplômée d'architecture, j'avais travaillé un peu en agence, mais j'y trouvais pas tout à fait mon compte. Et donc, j'ai eu envie de prendre quelques mois pour faire des chantiers participatifs, aller rencontrer des personnes qu'on m'avait recommandé de rencontrer, et pour légitimer un peu d'aller vers ces personnes et aussi de me dire bah, j'ai la chance de pouvoir les rencontrer, de pouvoir prendre ce temps-là, et j'ai envie de garder une trace des questions que je vais leur poser, l'idée de faire un podcast est née. Après, c'était un média que je consommais pas mal, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais enregistrer ces conversations-là, et puis on verra. Donc, j'ai rencontré une vingtaine de personnes qui étaient toutes plus ou moins liées, enfin, aussi toutes très liées à l'éco-construction, mais avec des profils très différents. Et ensuite, j'ai mêlé un peu toutes ces voix-là sur des épisodes thématiques. Donc, dans chaque épisode, on entend entre 10 et parfois 20 personnes avec toutes leurs histoires et leurs anecdotes qui se mêlent. Et donc, ça m'a permis d'explorer aussi, moi, comment j'avais envie de me situer dans ce monde-là. Et en fait, entre-temps, je suis devenue journaliste. Et Les Mots Sauvages, c'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et cette fois-là, j'avais envie d'aller à la rencontre de personnes qui avaient déjà tout pigé dans les années 70 en matière d'écologie dans le monde de la construction et un peu au-delà. Et donc, je suis allée rencontrer plutôt des vieux, hein, clairement, pour leur demander ce qui s'était passé depuis 50 ans, alors qu'ils semblaient avoir vraiment tout compris déjà à ce moment-là et explorer un peu comment on pouvait s'inspirer de tout leur parcours et de leur engagement depuis ce temps-là. Quand tu dis tout compris, tu évoques la question écologique peut-être ? Oui, c'est ça. En fait, j'avais une grande interrogation, c'était de me dire, quand je lisais des revues ou que j'entendais parler des années 70, je me disais, en fait, il y avait plein de gens qui avaient déjà un tas d'informations sur le dérèglement climatique, sur des solutions, sur... Il y a eu plein d'initiatives à ce moment-là, et du coup, je ne comprenais pas bien, moi qui suis née dans les années 90, ce qui s'était passé pour qu'il y ait une espèce de rupture, et que maintenant, on redécouvre tout ça. Et donc, j'avais envie d'explorer ça et de garder aussi une trace. Et donc là, l'idée du son, c'était aussi d'aller enregistrer des voix qui seront peut-être bientôt plus là, et de garder en mémoire ces parcours assez inspirants. Et alors, avec ces bientôt anciennes voix, je vais passer la parole à Simon. Simon, toi, tu portes un projet qui s'appelle Nouvelle Voie Urbaine. Pareil, est-ce que tu veux bien nous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs de Phoenix ton projet ? Oui, tout à fait. Bien joué. Effectivement, Nouvelle Voie Urbaine, donc c'est un projet que... Alors déjà, je vais commencer peut-être par faire une confidence, c'est que moi, je suis ni architecte, ni urbaniste, ni paysagiste, et pourtant, je parle de tout ça. Et donc ça peut être un peu perturbant, et surtout pour des personnes qui sont dans ce milieu-là, pour en côtoyer, pour en connaître quelques-uns et quelques-unes, je sais que c'est un peu crispant, des fois, d'entendre parler quelqu'un d'un sujet dont on n'est pas l'expert. Mais justement, en fait, c'est un peu tout le projet de Nouvelles Voies Urbaines. Donc Nouvelles Voies Urbaines, c'est un podcast un projet que j'ai monté au départ dans le cadre d'un travail que je fais par ailleurs avec une association qui s'appelle les Urbaculteurs. Une association qui est une petite association de Nouvelle-Aquitaine, plutôt de l'ancien Poitou-Charentes, la région Poitou-Charentes, où on travaille sur des questions d'aménagement urbain écologique et régénérative. Et donc ça fait quelques temps que je suis dans cette structure. Et disons qu'il y a eu un moment où j'ai eu besoin de me nourrir de d'autres choses pour pouvoir continuer à abonder dans nos projets, parce que notre projet avec les urbaculteurs, c'est de créer un modèle d'aménagement urbain et écologique dont les professionnels pourraient s'inspirer et dont les collectivités, les élus, les agents pourraient aussi récupérer des briques pour concevoir un peu la ville de demain. Et l'idée, c'est de diffuser ce modèle. Et moi, je me suis dit, ce dont on a besoin aussi pour nourrir ce modèle, c'est d'aller chercher des initiatives, des choses qui se font déjà, mais qui tournent autour de l'aménagement urbain sans en être pour autant, et qui pourtant sont à prendre en compte dans la construction de la ville. Et donc, il y a quelques temps, il y a 2 ans et demi, j'ai pris mon vélo, je suis parti de chez moi, et j'ai fait avec l'intention de faire un tour de France, je suis parti sur différents territoires et m'arrêter, pour faire une espèce de grande résidence sur des territoires, en allant rencontrer au départ des copains, des copines, puis de fil en aiguille, m'arrêter chez des gens pour pouvoir ensuite découvrir sur les territoires sur lesquels j'étais tombé, essayer de comprendre ce qui se passait en termes de dynamique urbaine, dynamique architecturale, et de manière générale, comment la ville elle était construite et comment elle vivait sur ces différents territoires. Et l'idée, c'était d'aller du coup rencontrer des personnes qui, à mon sens, étaient des experts de leur sujet, qui étaient des expertises qui n'étaient pas forcément prises en compte dans la construction urbaine et qui pourtant avaient un regard ou pouvaient apporter quelque chose sur la fabrique urbaine. Pour donner des exemples, je sais pas moi, aller rencontrer une directrice d'une école alternative, pour moi, c'est quelqu'un qui a un vrai regard sur la place que son activité peut jouer dans la ville. Pourquoi c'est important d'avoir une influence sur la ville et comment la ville influence mon activité aussi. Et l'idée, c'est un peu ça dans Nouvelles Voies Urbaines, c'est d'aller interviewer des personnes qui ont des pratiques qui sont plutôt tournées vers de la transition écologique, sociale, ou en tout cas qui ont envie de faire bouger des lignes, et plus généralement qui s'intéressent à des sujets de résilience urbaine. Et de se dire, ok, ces briques-là, elles peuvent participer à résoudre des problématiques qu'on vit déjà, ou en tout cas, elles peuvent nous prévenir de certains problèmes qu'on va avoir de plus en plus. Et je suis curieux de savoir comment eux, ils vivent leur projet aujourd'hui, c'est quoi concrètement les tenants et aboutissants de leur métier, quelles contraintes auxquelles ils sont liés vis-à-vis de, dans la construction urbaine, mais aussi juste dans leurs pratiques professionnelles. Et c'est pour ça que je l'ai appelé ça « Nouvelles voies urbaines », parce qu'il y avait l'idée que les chemins de l'urbanisme ou de la fabrique urbaine, pour moi, elles sont multiples ça nécessite d'aller creuser, y compris du côté des professions qui ne sont pas des architectes, pas des urbanistes, pas des paysagistes. Et du coup, pour le dire, moi, je suis écologue, et je suis aussi, j'aime bien le dire, permaculteur. Voilà. Oui, alors avec tu partages finalement, même sans être architecte, urbaniste ou paysagiste, personne n'est parfait, Simon, mais tu partages l'espace comme tout à chacun, et finalement tu le subis ou tu le vis de manière positive en fonction de comment il est dessiné et vécu. Nous, on aime bien rappeler à Territoire Pionnier que l'architecture est un peu l'eau des poissons pour les hommes, quoi, parce qu'il y a une citation de chez Metoff pour rendre ce qui appartient à César à César. Louise, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Je sais que tu avais un planning très chargé. On venait de finir le tour des présentations des projets à la fois de Manon, Anne-Sophie et Simon. Toi, tu portes un projet qui s'appelle Execo, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu veux bien nous le présenter ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonsoir. Désolée pour le retard. J'ai fait au plus vite. Ça marche. Du coup, j'enchaîne. Donc, moi, je m'appelle Louise Germain. Je suis double diplômée architecte et ingénieure en génie climatique et énergétique de l'INSA Strasbourg. Pour la petite histoire, à la fin de mes études, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine de la recherche au sein du CEREMA. C'était un projet de recherche sur les toitures biosolaires. Ce sont des toitures végétalisées avec des panneaux solaires dessus. Et après ça, j'ai assez vite pris mes clics et mes claques et j'ai déménagé au Canada. J'ai vécu donc au Québec, à Québec, dans la ville de Québec, pendant à peu près 9 mois. J'ai pas mal voyagé là-bas, j'ai travaillé dans un café. Et j'en ai profité pour lancer un projet qui me trottait dans la tête depuis un moment, à savoir lancer un podcast. Parce que pour rembobiner un tout petit peu, je me suis intéressée au sujet de la nature en ville au fur et à mesure de mes études, mais il y a quand même plusieurs années. Et j'ai fait un mémoire de recherche en 2022 sur une problématique qui cherchait à massifier la renaturation en ville. J'ai fait plein d'interviews avec des professionnels pour nourrir ma recherche. Et en fait, pendant tous ces échanges, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant, ces discussions que j'ai avec ces experts, expertes, professionnels de la fabrique de la ville d'une manière générale. Et c'est dommage que ce soit juste retranscrit dans un mémoire que absolument personne ne va lire, à part mes profs, et encore, je ne suis même pas sûre qu'ils l'aient lu. Donc, en fait, voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a une petite graine qui a été plantée dans ma tête. Et plusieurs années après, quand j'étais au Canada, que j'avais un peu plus de temps libre et de l'espace de cerveau disponible, je me suis dit, allez, lançons le podcast. Donc, j'ai créé Execo. Le but avec ce podcast, c'est de parler de la place du vivant en ville, d'une manière générale, mais principalement le vivant non humain, les végétaux et les animaux non humains. Donc voilà, c'est vraiment une notion qui m'a intéressée depuis un moment. En tant que double diplômée, j'ai toujours eu une petite crise identitaire et je me suis intéressée à ces sujets de croiser un peu les regards, croiser les disciplines pour essayer de faire évoluer nos visions, parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas résoudre des problèmes complexes avec des réponses simples et surtout avec un prisme d'une discipline unique. Donc dans Execo, il y a vraiment cet aspect croiser les regards autour de la place du vivant en ville. Et au-delà de ça, je suis convaincue que intégrer plus de vivant en ville, ça a un double impact positif. Le premier et peut-être le plus évident, c'est que ça nous permet de résoudre certains enjeux écologiques ou climatiques contemporains, puisqu'on sait que la végétation en ville, elle a des vrais intérêts pour capter des polluants, réguler éventuellement les événements climatiques extrêmes, faire de l'ombre pendant la canicule, ce genre de choses. Donc déjà, c'est utile d'un point de vue, on va dire, ingénierie climatique et écologique, mais aussi parce que je pense qu'intégrer plus de nature et de vivant autour de nous, les citadines et les citadins, ça peut nous aider à nous reconnecter à cet environnement naturel dont on s'est totalement séparé, on va dire, quand on a créé les villes. Pour des bonnes raisons à la base, mais voilà. Et du coup, pour conclure un peu sur tout ça, parce que dans le podcast, je fais donc des interviews pour parler de tous ces sujets, je voulais juste citer un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Baptiste Morisot, et qui dit « Habiter, c'est toujours cohabiter parmi d'autres formes de vie, parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. » Voilà. Magnifique, merci Louise. On parlait aussi de liens tout à l'heure à la lecture du manifeste, donc ça fait tout à fait écho à ça. Finalement, vous défendez toutes et tous des visions et des récits de l'architecture, de l'habité qui sont à la fois singuliers et partagés. Est-ce que avec le recul, et alors même si vous êtes un jeune collectif, vous sentez qu'il y a une évolution dans votre manière d'approcher finalement la défense de vos sujets ? On parlait tout à l'heure de venir un peu révéler des choses ou des récits qui sont déjà là. Est-ce que votre point de vue, il a eu tendance à évoluer justement cette année, dans la mesure où il y a forcément un moment où on se dit, tiens, on commence à avoir une écoute, une audience, est-ce que ma parole a de l'influence ? Est-ce que vous vous interrogez sur justement la portée de ce que vous faites et de ce que vous engagez ? Le festival, c'est aussi une occasion de propager un message, de faire manifeste comme vous l'avez fait. Est-ce que c'est quelque chose qui travaille votre collectif, auquel vous réfléchissez, aux manières justement de faire de l'influence ? Je ne sais pas qui veut commencer. Simon, peut-être, tu avais l'air. Peu importe, ou Manon, hein, parce que je prends la parole, mais rapidement, et après je laisserai mes camarades compléter. En fait, j'ai envie de dire oui, j'imagine que. Alors, je vais répondre en mon nom, parce que je ne peux pas parler au nom de tout le monde, et au nom de, même si on a tendance à vouloir être un collectif, nous sommes plusieurs personnes, mais je pense que oui, c'est clairement quelque chose qui infuse dans notre travail et dans notre manière de travailler ensemble et qui nous a fait cogiter pendant la préparation du festival et depuis qu'on s'est rencontrés. Je pense qu'effectivement, on arrive avec des parcours qui sont assez différents les unes des autres. On arrive de territoires aussi très différents, avec du coup des réseaux différents, donc on a vraiment une diversité aussi au sein du collectif. Alors on va pas dire qu'il y a toute la diversité du monde, mais par contre il y a une forme de diversité quand même, et je pense que ça nourrit à la fois notre manière de créer du contenu, de travailler, mais que ce soit à la fois pour notre podcast mais aussi à côté, parce que je pense qu'on l'a un peu entendu, mais on est toutes et tous des praticiens, praticiennes à côté, ou en tout cas on a une activité professionnelle et ou associative qui est liée aussi au sujet du podcast qu'on fait par ailleurs, et donc je pense que ce sujet de l'influence, de notre parole peut influencer cette pratique, je pense que c'est au départ, en tout cas moi, à ma petite échelle, c'était un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en créant d'abord Nouvelles Voies Urbaines, c'était de se dire, peut-être ça peut participer à faire prendre conscience, en l'occurrence, moi, ma cible, c'était de dire au grand public qu'il y a une nécessité à s'intéresser au sujet de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'architecture, parce que c'est prépondérant dans notre vie. même si on n'en a pas toujours conscience. Et l'idée, c'était effectivement, j'aimerais bien influencer cette chose-là, et du coup, influencer aussi les professionnels, les collectivités avec lesquelles je travaille, pour leur dire, mais en fait, prenons en compte aussi tout un tas d'autres personnes et d'autres professions qui habitent, qui traversent cette ville, tout un tas de formes de vie aussi qui la traversent, pour pouvoir faire cette ville un peu plus de manière un peu plus intelligente, j'allais dire. Et donc, je pense que ouais, cette notion d'influence, elle a grandi avec le collectif. Et je crois qu'elle prend de plus en plus corps. Et peut-être que la fin du festival, elle a aussi mis en avant cet aspect-là, où on se dit, ah bah en fait, il y avait du monde quoi, à ce festival. On avait beaucoup plus de personnes que ce qu'on attendait. Et on se dit, bah en fait, ça trouve un écho. Donc oui, ça nous responsabilise aussi, je pense, quelque part. Mais je préfère passer la parole maintenant. Manon, je te voyais avoir envie de répondre. Est-ce que dans la ligne de ce que dit Simon, mais vous êtes des influenceuses et des influenceurs, ce qui n'est pas un terme ni positif ni péjoratif, mais qui qualifie plutôt voilà, des créatrices de contenu sur le web. Et la question étant toujours de savoir, quand on influence vers où, on part d'où. Toi, tu te sens comment dans cette réflexion-là? C'est une bonne question parce que le terme d'influenceur, pour moi, je ne m'y reconnais pas encore tout à fait vraiment. J'ai l'impression que ça fait écho un peu à une autre réalité des réseaux, alors que non, en fait, on pourrait se réclamer aussi d'une forme d'influence, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, comme le disait Simon, notre objectif, je pense, à travers nos créations individuelles, mais aussi notre création collective avec le festival et aussi avec les podcasts qu'on diffuse en ce moment sur les plateformes, c'est vraiment d'interpeller sur l'importance de se saisir de sujets qui nous paraissent importants et de voir aussi la ville et l'aménagement des territoires sous un autre angle, en tout cas de faire rentrer d'autres paramètres. Donc oui, je pense qu'on est des influenceurs qui n'osent pas prononcer ce mot « influence », c'est sûr. Et pour rebondir sur ta question, je pense qu'il y a aussi un peu la force en fait, du collectif qui nous permet aussi de faire avancer aussi les regards qu'on porte sur les choses et nos points de vue. Et c'est vraiment le collectif qui crée ça. C'est, comme le disait Simon, on a tous des parcours différents, on a tous aussi un angle d'attaque différent, enfin vous l'avez entendu autour de la table. Et je pense que c'est justement en discutant tous ensemble qu'on arrive à co-construire en fait un regard vraiment collectif pour le coup sur les choses. Et c'est cet échange-là qui nous nourrit beaucoup. Et je pense que c'est aussi ça que. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on a eu aussi un écho lors de ce festival. Je pense que ce message-là, de donner de la visibilité, à d'autres sujets, et en même temps d'envoyer un message aussi vers à la fois le grand public, mais aussi les professionnels, de regarder ces sujets de l'aménagement du territoire, de l'architecture, de l'urbanisme sont importants. Et de les regarder de manière assez engagée. On a senti avec le festival qu'il y a eu vraiment une réception de ce message-là et une appétence aussi pour le secteur, pour les architectes, les urbanismes, mais aussi auprès du grand public. On sent qu'il y a eu vraiment une appétence pour voir justement ces sujets-là d'un point de vue peut-être plus pluridisciplinaire et plus engagé. Ouais, les questions de la ville aujourd'hui, elles recoupent énormément d'enjeux, de problématiques à travers les crises écologiques, sociales, économiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les professionnels de l'architecture, ou en tout cas des gens qui s'investissent sur le sujet. Ce sont vraiment des points de clivage et qui sont la traduction aussi finalement d'énormément de politiques mises en œuvre à l'échelle publique et puis de comportements à l'échelle plutôt privée ou en tout cas individuelle. Toi, Anne-Sophie, est-ce que tu t'estimes comme engagée ou dans quelle mesure ton engagement se traduit dans la création de tes contenus, dans les sujets que tu portes et que tu mets en avant? Je sais que c'est un mot avec lequel on a toujours du mal à se placer, surtout quand on fait de la production de contenu, de médias, etc. Je ne parle pas de militantisme, mais d'engagement, parce que vous avez des valeurs qui sont largement affirmées dans le collectif. Toi, comment tu jongles avec ça ou comment ça se positionne dans ta réflexion, dans la création, dans le choix des sujets que tu portes? Tu fais bien d'avoir parlé de militantisme parce que engagée, je pense que je me suis toujours considérée engagée. Peut-être pas toujours, mais en tout cas là, depuis des années. Et maintenant, je crois que j'ose même dire que je suis militante alors que c'est un truc que j'aurais pas dit avant. Et je voudrais juste revenir sur le manifeste qu'on a lu tout à l'heure, parce que en fait, on l'a écrit tous et toutes ensemble un dimanche matin. Et c'était un moment que enfin, je sais pas, moi, qui m'a assez marqué parce que on est revenu, on a choisi vraiment chaque mot avec attention, on a vu plusieurs relectures comme ça, tous ensemble. Et là, en le relisant, bah, je ne le relis pas tous les jours, je devrais en fait, je crois, je me dis, parce que en le relisant tout à l'heure, je me suis dit, ah waouh, mais en fait, c'est vachement bien, c'est exactement ça que je veux faire, moi. Et du coup, je pense que de s'être réunis comme ça en collectif, bah, ça nous pousse aussi à l'engagement vers bah, d'autres sujets. Enfin, ça ouvre notre engagement, en fait, finalement. Et bah, ça, je trouve ça assez fort. Et sur le festival, on avait aussi envie de se réunir à plusieurs pour organiser les tables rondes. Je pense que ça a pas mal ouvert nos esprits. Parce que organiser une interview pour un podcast en solo et organiser une table ronde à deux, trois personnes, ben c'est complètement différent. Et ça nous a permis alors déjà de confronter des méthodes, mais aussi d'apporter chacun et chacune notre petite pierre à l'édifice et du coup d'avoir des préparations de table ronde qui étaient hyper riches et qui, je pense, nous ont vraiment beaucoup apporté de manière personnelle après derrière quoi. Ils disent oui, c'est bon, je dis pas n'importe quoi. C'est validé par le collectif. Alors. Ouais, pour nos auditeurs et nos auditrices qui n'ont pas la vidéo du live Twitch de Phoenix, voilà, on a les membres du collectif qui acquiescent les propos d'Anne-Sophie. Toi, Louise, par rapport à cette question de l'influence, de ta responsabilité que tu engages dans le choix de tes sujets, dans les thématiques que tu as envie de mettre en avant, tu parlais tout à l'heure d'avoir pris tes clics et tes claques par rapport à une trajectoire professionnelle, donc à la fois architecte et ingénieur. On recevait, nous, la semaine dernière, Jeanne Mermet, en compagnie de Léa Hobson. Jeanne Mermet qui a écrit un ouvrage « Désertons », justement, qui invite à déserter les carrières. Elle a fait Polytechnique et a travaillé donc dans la transition énergétique et elle s'est barrée parce qu'elle n'était plus du tout en adéquation avec justement son engagement et son militantisme écologique. Est-ce que d'une certaine manière tu te considères aussi comme étant une déserteuse ou en tout cas quelqu'un qui allait explorer des marges par rapport à une trajectoire professionnelle qui était promise par ton double cursus? Alors, déserté, je ne sais pas. C'est pas hyper original d'aller vivre au Canada. Je veux dire, je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Et après, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais à côté de ça, j'ai mon métier qui correspond plus à mon double cursus. Je suis programmiste et je travaille aussi dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, nous, on est très en amont des projets, c'est-à-dire qu'on fait toutes les phases avant de rédiger le cahier des charges qui va être donné à l'archi pour faire le bâtiment. Donc on fait la concertation avec les usagers, les diagnostics techniques, fonctionnels, architecturaux des bâtiments, et petit à petit on déroule le fil en échangeant avec la maîtrise d'ouvrage. Et en fait, je dirais que j'ai aussi un certain niveau d'engagement dans ce métier-là de programmiste, parce que le fait qu'on soit situé très en amont dans les projets, on a vraiment un levier d'action sur les décisions qui vont être prises et sur les consignes qui vont être données dans les cahiers des charges pour les archis. C'est-à-dire que nous, on est placé à un endroit où, ce matin, j'étais en commission technique et on a décidé qu'on allait placer des objectifs environnementaux, d'atteinte de certains labels, etc., dans le projet qu'on est en train de faire. Et on a plus ou moins réussi à convaincre la maîtrise d'ouvrage parce que c'était une garantie d'atteindre les niveaux, d'avoir des équipes de maîtrise d'œuvre engagées qui allaient répondre à l'appel d'offres, etc. Non, pour donc, nos auditrices et nos auditeurs, la maîtrise d'ouvrage, c'est la personne qui fait le chèque, qui demande, par exemple, ça peut être une mairie, hein, ça peut être un particulier. Et la maîtrise d'œuvre, c'est la personne qui conçoit et qui réalise le bâtiment. Donc, en général, l'architecte est maître d'œuvre. Et vous pouvez avoir votre commune, par exemple, qui est maître d'ouvrage. Donc, si elle fait construire une piscine, elle est maître d'ouvrage de la piscine et l'architecte, lui, est maître d'œuvre. Et donc, toi, Louise, avant, tu as aidé la maîtrise d'ouvrage à savoir un petit peu ce dont elle avait besoin pour sa piscine. Est-ce qu'il y a un grand bassin, un petit bassin? Est-ce qu'on on a un système de chauffage de l'eau qui est un petit peu plus, qui est un peu différent, qui est écologique, qui est relié avec autre chose. Donc toi, ce que tu nous expliquais, ton métier, il intervient très en amont. Il y a aussi un enjeu du coup culturel ou en tout cas de paradigme, de manière de penser la ville. Et c'est en ça aussi peut-être que ta production de médias, elle a une influence, j'imagine. Enfin, en tout cas, elle te permet de te mettre à jour et de progresser dans la qualité des propositions que tu fais. Ouais, tout à fait. En fait, j'allais faire le parallèle justement, parce que je dirais que j'ai atteint un certain niveau d'engagement dans mon métier, mais qui est, comment dire, qui est conditionné à la réalité des choses, alors que dans mon podcast, je peux m'autoriser à rêver et à pousser les curseurs et à parler de certaines choses de manière encore plus engagée et militante. Et mes collègues le savent et je partage tout le temps mes épisodes ou ce que je fais avec le collectif, le festival, etc. Du coup, voilà, souvent entre nous, on discute un petit peu de ça. Ils savent qu'à côté, j'ai ce podcast. Donc, je pense pas avoir totalement déserté, mais on va dire que j'essaye de rester à ma place et de faire ce que je peux à mon échelle. C'est intéressant, cette tension entre la réalité, ce avec quoi on doit composer, le déjà-là, et puis des horizons, des imaginaires vers lesquels on essaye de tendre, et en l'occurrence peut-être que vous essayez d'influencer par des leviers culturels, qui est pour le coup quelque chose que nous on traverse totalement à l'échelle du Festival Chantier Commun. L'année dernière, on avait comme fil rouge lutte et imaginaire, et ça fait quelques temps qu'on s'interroge sur le fait qu'il faut réinvestir ces récits et ces imaginaires dans une époque où on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure aussi à travers votre manifeste, où finalement l'horizon et l'avenir est assez sombre. En tout cas, on nous promet plutôt un avenir qu'on nous annonce catastrophique et une forme de compte à rebours presque de la destruction, de la grande catastrophe. Et là-dedans, il y a eu un petit peu un arrêt de la production des architectes, des urbanistes ou des illustratrices, illustrateurs qui s'intéressent aux questions de la ville sur ce à quoi peut ressembler la ville demain. C'est quelque chose dont je sais que vous avez un petit peu interrogé, vous l'avez un petit peu soulevé, notamment à travers le festival. Cette question des récits et des imaginaires, vous défendez, qu'est-ce que vous défendez justement comme imaginaire pour la ville de demain à travers vos voix ? Je peux me lancer. Je pense que le premier combat qu'on défend un peu justement, c'est que l'avenir, il n'est pas écrit, ça reste malgré tout une page blanche, malgré tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on entend autour de nous qui nous projette effectivement dans des perspectives qui ne sont pas très réjouissantes. On prône un peu ce temps de pause, ce temps de recul pour regarder déjà le moment présent et regarder déjà dans notre présent. Qu'est-ce qui déjà nous permet d'imaginer un futur un peu plus meilleur, mais de manière réaliste. Et cette tension avec la réalité, avec le de garder un pied dans une forme de réalité très concrète, on l'a toutes et tous dans le collectif, c'est-à-dire qu'on est toutes et tous, on travaille à côté, et on a tous un métier, donc on a toujours ce pied toujours dans la réalité. Et aussi de manière collective, parce que notre objectif, c'est vraiment de parler de ces nouveaux imaginaires, de ces nouveaux récits, comme quelque chose de déjà incarné dans le présent, et qui n'est pas complètement hors sol, on va dire, qui est vraiment déjà là. Et ça, pour nous, c'est super important, et pendant tout le festival, quand on a co-construit, comme le disait Anso, les événements, les tables rondes, on parlait beaucoup de déjà ce qui était présent, en fait. Déjà, qu'est-ce qui nous permettait d'imaginer actuellement les nouveaux imaginaires, les nouveaux récits. Donc voilà, c'est un peu notre premier combat, c'est de dire que voilà, tout n'est pas écrit et prenons le temps de la pause pour regarder déjà dans le présent ce qui peut nous inspirer pour la suite. Et après, effectivement, on est engagé. Je pense que c'est justement aussi ce qui fait notre force un petit peu. C'est pour ça peut-être qu'on trouve aussi un écho particulier avec le festival, mais on a vraiment cette notion d'engagement autour des valeurs, hein, qui sont les valeurs qu'a rappelé Anso tout au départ, donc des valeurs d'inclusion et de solidarité, donc parler des territoires qui sont ouverts à toutes et tous, autant physiquement que symboliquement, faire en sorte aussi que nos productions, elles mettent en avant des villes qui sont écologiques, mais au sens vraiment premier du terme, qui soient vraiment en accord aussi avec les travaux du GIEC, et donc s'affranchir, enfin en tout cas essayer d'éviter à tout prix toute forme de greenwashing, on va dire. Et puis la dernière chose, c'est aussi une vision de la ville qui sert l'intérêt général, qui est vraiment dans ce but-là, et donc tous les projets, tous les sujets desquels on parle dans nos productions, ils passent vraiment à travers ce prisme de l'intérêt général, de vraiment mettre en avant des projets qui ne viennent pas dans une logique effectivement de profit ou de marchandisation de la fabrique urbaine, mais vraiment des projets qui permettent d'imaginer des nouvelles villes ou des nouveaux territoires qui sont vraiment pensés pour l'intérêt général. Ouais, vous faites beaucoup le lien, ou en tout cas, vous ajoutez aux questions écologiques les enjeux d'inclusion et de solidarité, ça vous l'avez rappelé tout à l'heure. Le festival Chantier Commun, cette année, on s'est posé la question un petit peu de faire place à demain. C'était une thématique qu'on avait envie de porter à la fois sur la question spatiale de la place comme étant aussi le symbole de ce qui relie un village à la grande métropole, puisque c'est une constante, mais aussi l'enjeu démocratique que ça traduit, la place comme étant le lieu des communs du collectif. Et dans Place à Demain, on avait envie aussi de s'interroger sur la question de l'altérité, de la place qu'on fait à l'autre. Est-ce que vous sauriez identifier, ou est-ce que vous avez déjà eu des réflexions sur ces autres qui manqueraient en tant que voix justement de la ville aujourd'hui, à qui on donne peut-être pas la parole, qui ne sont pas représentés? Moi j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si Anne-Sophie, par exemple. Moi je suis assez convaincue qu'on n'entend pas assez les habitants et habitantes. Et c'est quelque chose. Alors moi je l'ai pas dit, mais je suis journaliste dans une revue d'architecture. Et du coup, quand on parle de bâtiment, on parle toujours des architectes, de ceux qui ont conçu le bâtiment, et jamais de ceux qui l'habitent. Ça, je trouve que c'est quand même un problème, puisque on est censé servir le bien commun et puis construire pour des personnes, quoi. Et d'ailleurs, dans les projets d'architecture et d'urbanisme, je pense aussi, on fait assez peu de retours d'expérience 5 ans, 10 ans après, qui pourraient permettre de comprendre ce qui a marché, pas marché. Et ça, je pense que, enfin, et surtout ce qui n'a pas marché, je pense que c'est hyper important et qu'on ne le met pas assez en avant. On privilégie quand même pas mal les réussites, et en fait je trouve qu'on apprend quand même beaucoup plus des erreurs des autres et qu'on devrait privilégier ça. Notre invité de vendredi, dont vous pouvez retrouver la rencontre en podcast sur Phoenix, Guillaume Etier, nous parlait du syndrome du ruban rouge, qui est de dire qu'en gros, après qu'on ait inauguré un bâtiment, il se passe plus rien, on n'en tire pas de leçon, on n'analyse pas ce qui se passe, et qu'on considère que voilà, c'est la question est plus ou moins réglée jusqu'à ce qu'on ait besoin de refaire des travaux voire de démolir un bâtiment. En dehors de ce manque de parole aux usagers, aux habitants et aux habitantes, est-ce que Simon, Manon, Louise, vous identifiez des catégories de personnes ou de non-personnes qui ne sont pas assez représentées dans ces voies de la ville? Oui, tout à fait. Moi, je peux me lancer. Je pense que c'est l'un, effectivement, de nos... Enfin, c'était l'une de nos préoccupations quand on a commencé à organiser le festival. C'est un petit peu... On s'est rendu compte que finalement, même si on était tous... toutes et tous issus de territoires différents, avec dans nos médias une ligne éditoriale différente, quelque part, on est quand même tous issus du même milieu social, à peu près. Donc, on va pas se mentir, on est quand même dans notre collectif assez uniforme là-dessus. Et ça, je pense que c'est vraiment un point, nous, qui nous a vraiment travaillé, qu'on n'a pas encore résolu pour le festival, et qu'on aimerait bien, effectivement... Alors peut-être pas résoudre, mais en tout cas que le festival soit vraiment aussi un tremplin ou un moment de visibilité pour aussi donner la voix à d'autres personnes qu'on entend moins justement dans la fabrique de la ville. Il y a les habitants bien sûr, mais aussi justement des personnes qui sont peut-être issues d'autres milieux sociaux qui ont encore de la peine à se faire un chemin dans les médias plus classiques, on va dire, qu'on entend quasiment jamais dans la sphère médiatique. Pour nous, ça nous semble très important. Et c'est effectivement l'un de nos chantiers, je pense, à venir pour l'année prochaine. si je peux compléter, Félix, les propos de Manon. Bien en sûr. Fait, ouais, ouais, complètement. Moi, j'abonde à fond avec ce que vient de dire Manon. Peut-être pour resituer aussi, quand on a construit le festival, il y a eu un moment où effectivement, on se dit bon, ok, on est en train de porter une thématique qui s'appelle les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires. Et pour nous, c'était important de se dire, mais est-ce que là, quand on dit ça, c'est hyper générique aussi. Et il y a un truc de, est-ce qu'on est en train de représenter tous les imaginaires, tous les récits? Et a priori, non. Je veux dire, effectivement, on parle d'une posture, comme l'a dit Manon, où on est plutôt de la même catégorie sociale, plutôt des personnes, alors c'est pas entièrement le cas, mais plutôt des personnes blanches, plutôt avec un certain niveau d'études, etc. C'est pas complètement vrai, mais voilà, de manière générale, c'est ça. Donc il y avait un peu, effectivement, comment on fait en sorte de faire, de mettre en avant des paroles de personnes, ou comment on fait pour intégrer des personnes qui seraient pas forcément issues du même milieu social, ou qui seraient racisées, ou qui auraient davantage, quoi. Ou alors qui, effectivement, en termes de non-humains, comment aussi on met ça en avant en termes de paroles. On a essayé de le faire un petit peu à travers le podcast, mais c'est toujours un petit peu balbutiant et on sent qu'il y a une marge de manœuvre. Il y a aussi l'idée de comment on fait parler peut-être... Quand on parle d'archi ou d'urbanisme, bon, voilà, on a parlé d'architecture et d'urbanisme, mais dans un milieu très occidental, en fait. Et comment ça se représente aussi dans un paysage peut-être aborigène ou que sais-je. Enfin, il y a cette dimension aussi qui, pour nous, nous semble importante, à pointer du doigt. On s'est bien rendu compte qu'on n'allait pas réussir à solutionner ça pour le festival, là, mais on s'est posé la question. Et d'échange en échange, je pense qu'on va essayer d'améliorer aussi ces points-là, parce que c'est un truc qui nous tient à cœur aussi, juste pour être cohérent avec ce qu'on porte et de pouvoir tout simplement juste laisser de l'espace. Et puis, je pense qu'on en a conscience aussi dans notre pratique. Personne n'est en mesure, enfin je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais quand on parle d'une situation, on parle toujours mieux de sa propre situation que quelqu'un d'autre, il le ferait à notre place, quoi. Et donc il y a aussi ce truc-là qui pour nous semble, je pense, important. Et je voudrais juste revenir sur un petit truc qu'on a évoqué tout à l'heure quand on parlait d'engagement ou quoi. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui pour nous est assez important là-dedans. En fait, le fait que le collectif soit lui-même, enfin un collectif, j'allais dire, ça le met déjà dans une posture où il y a une forme d'influence, enfin d'engagement qui est assez particulier. Et c'est quelque chose qu'on nous a renvoyé, en fait, le fait même d'être en groupe pour co-construire, pour créer, et en fait, où on est obligé de mettre à place un certain des égos, etc. Bah, ça a été remarqué, et je pense que ça infuse aussi le fait juste d'être nous, d'avoir eu ce courage pour certains, ou en tout cas cette ambition pour d'autres, de se dire bah, on y va ensemble et on crée ensemble. Bah, ça donne aussi un autre imaginaire de se dire bah, en fait, peut-être on n'est pas obligé de faire chacun dans notre côté et on aurait pu se tirer la bourre, quoi. Et en fait, c'est pas ça qu'on choisit. Et ça, je pense que c'était important de le souligner aussi. Et est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez rassemblés, parce que finalement, vous auriez toutes et tous pu faire un petit peu votre carrière, pour le dire un peu de manière provoque, mais en tout cas, votre travail de créatrice, créateur de contenu, de manière indépendante, isolée, dans votre coin, enfin, c'est pas forcément quelque chose... Vous n'aviez pas besoin en soi de vous mettre en collectif. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est connexe ou qui est lié à la discipline et aux problématiques que vous travaillez qui fait que cette option du collectif, elle était plus évidente, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui relève du hasard, même si j'ai l'impression que c'est quand même très inhérent aux questions qu'on se pose quand on travaille sur les enjeux de l'espace, de l'habité, de dire que voilà, cette question transdisciplinaire de partage et de mise en collectif, elle paraît assez évidente, ne serait-ce que dans les formations qu'on peut recevoir quand on est formé aux professions de l'architecture et de la fabrique des territoires. Louise, toi, c'est quelque chose... qu'est-ce que tu pourrais nous en dire là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est un peu le fruit du hasard ou ça te paraît... en fait, finalement, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre option possible? Tu ne serais pas vu faire ça toute seule dans ton coin? La pluridisciplinarité, c'est vraiment essentiel. Enfin, aujourd'hui, c'est important, mais c'est indispensable. On n'aurait pas pu Enfin, en fait, il n'y a rien de plus cohérent que de porter un discours comme le nôtre en étant en collectif et en étant déjà de base rassemblé avec chacun nos casquettes, nos appétences, nos compétences et en unissant nos forces dans un but commun, quoi. Enfin, je pense que c'était pas le fruit du hasard. Alors, c'est pas moi qui ai lancé l'idée de créer un collectif. Je sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive, mais j'ai plutôt été contactée par. Mais après, on l'a assez rapidement co-créé. Et en fait, c'était aussi... Ce qui était le fruit du hasard, plus ou moins, peut-être, c'était le fait qu'on se retrouve de manière autant alignée avec des valeurs similaires. Et parce que bon, pour le même prix, on peut avoir des personnes qui ont des médias ou qui sont influenceurs et qui ont des valeurs différentes. Enfin, je veux dire, c'est le cas, ça existe. Et pourtant, là, on s'est assez rapidement alignés. On a développé notre charte des valeurs. Voilà, on a mis en place certains fonctionnements. On a un fonctionnement très horizontal dans le collectif. On a, voilà, aussi expérimenter des méthodes de prise de décision par consentement, ce genre de choses. Donc, je pense que c'était hyper intéressant de se rassembler, c'était une volonté de porter ces regards croisés, et en même temps, on a peut-être eu un peu de chance de aussi bien s'entendre et s'aligner. Peut-être que je laisse mes camarades compléter sur ce sujet hyper important, mais voilà ce que je peux dire peut-être. Et juste pour rebondir, mais t'es capable pour compléter, mais c'est assez intéressant. Nous, tous les jeunes collectifs qu'on croise ces dernières années mettent vraiment en avant et sont très attachés à cette question du mode de décision au sein de leur collectif et à la question de la démocratie. Démocratie qu'ils réinventent, qu'ils interrogent, qu'ils critiquent et qu'ils essayent de dépasser, justement. Est-ce que c'est quelque chose... qui est un ralentisseur dans votre pratique ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous complexifie ? Enfin, nous, on a l'impression parfois, quand on observe ces collectifs, que à la fin, c'est assez gagnant, mais que c'est aussi souvent, ça demande beaucoup d'énergie de réinventer ces mécanismes. Comment vous fonctionnez aujourd'hui dans votre collectif, par exemple, là pour prendre une décision sur, je sais pas, la programmation du festival ou quelque chose comme ça ? Alors, je pense que effectivement, parfois, ça ralentit un peu le processus de décision, mais qu'au final, on prend des décisions qui sont meilleures pour tout le monde. Et ça, ça n'a pas, le prix du temps que ça prend, en fait. Et c'est rigolo parce que pour le moment, on décidait globalement tous ensemble. Donc effectivement, c'est chronophage. Et en essayant de schématiser notre mode de gouvernance, finalement, on se rend compte qu'on est juste en train de mettre des mots sur un mode de gouvernance qui nous convient et qu'on veut garder. Alors, on va effectivement essayer de simplifier certaines prises de décision, de pouvoir s'impliquer plus ou moins en fonction des thématiques, etc. Mais ce qui s'est fait un peu de manière organique, on se rend compte que c'est ce qu'on veut garder. Et ce qui fait en fait l'intérêt, je crois, et le plaisir qu'on a de se retrouver toutes les semaines pour discuter de nos sujets. Simon, toi qui es dans la permaculture. Ouais, bah justement, j'allais... Ces modes de fonctionnement collectif. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense qu'il y a aussi une... Bon, alors, je m'inclus pas forcément là-dedans, mais il y a d'autres personnes aussi ici, au sein du collectif et qui sont ici présentes ce soir, qui ont aussi, dans leur pratique professionnelle ou par ailleurs dans d'autres cadres, ont eu l'occasion d'expérimenter ou de creuser sur des sujets de gouvernance, de prise de décision. Et effectivement, moi, dans ma pratique, par ailleurs, avec mes différentes casquettes, j'ai l'habitude, depuis un certain nombre d'années, de travailler quasi exclusivement en collectif. Je travaille quasiment jamais seul. Et donc, dans des milieux dits alternatifs, pour le dire rapidement, mais où les sujets de la prise de décision au consensus, au consentement, les différentes formes de gouvernance, de sociocratie, etc., bah, en fait, c'est des choses qui sont connues, mais depuis 50 ans, quoi, et qui sont pratiquées depuis 50 ans dans ces milieux-là. Et donc, bon, moi, j'ai pas 50 ans, je pense que ça s'entend, enfin, j'espère, et j'ai même pas plus que 50 ans non plus, mais du coup, j'ai bénéficié aussi de ces, de cette expérience-là dans les, dans le milieu permacole, où effectivement, c'est quelque chose, donc, permacole, permaculture, où c'est quelque chose qui est très pratiqué, parce que juste à parter rapidement, c'est un peu mon combat, donc j'en profite. La permaculture, c'est pas du jardinage, ni de, ni d'une culture, une technique de jardinage, c'est vraiment, une méthode, une philosophie de conception des systèmes humains durables et écologiques dans lequel on inclut pas de temps en temps une question de jardinage ou de maraîchage, mais sinon ça touche à tous les domaines de vie. Et la gouvernance en fait partie. Et donc forcément, en permaculture, on s'intéresse à comment on prend des décisions ou à comment on fait communauté, collectif, commun, en ayant toujours notre charte éthique qui est de se dire on va prendre soin des uns des autres, on prend soin du vivant non humain, et on fait en sorte qu'il y ait un partage équitable, y compris bah, par exemple de la parole, quoi. Donc c'est pour ça que je vais me taire. Merci Simon. Et la permaculture qui a un beau chantier commun pour le coup. Nous, on aime bien poser la question à nos invités, et là on est très content parce qu'en plus vous êtes nombreuses et nombreux. On va avoir plein de réponses qui, je l'espère, seront variées. S'il y avait un chantier commun à mettre en place dès aujourd'hui ou demain, si on veut prendre le temps de la réflexion, pour vous, ce serait lequel, ce chantier commun, s'il y en avait un? Je vais rebondir sur la permaculture et citer un des principes, qui est de valoriser les bordures, qu'on peut aussi entendre comme marge. Et donc, ça rejoint un truc qu'a dit Manon au début, c'est que nous, notre chantier commun au sein du collectif, c'est de mettre en lumière, de valoriser ce qui se passe déjà dans les marges et de le faire connaître le plus possible pour le diffuser. Donc, je pense que ça serait celui-là pour le collectif, en tout cas. Ok, merci Anne-Sophie. Manon, est-ce que tu as envie de nous parler d'un chantier commun que tu aimerais voir mis en œuvre? Ça demande le temps de la réflexion, ce chantier commun. Mais peut-être en lien avec le sujet un peu plus démocratie qu'on soulevait justement. Je pense que c'est l'un des chantiers communs, justement, c'est de faire collectif sur le long terme et sur la durée, grâce justement à ces formes de gouvernance et de prise de décision collective. Je pense que c'est vraiment ça qui peut nous faire tenir toutes et tous ensemble, qui fait aussi qu'on peut potentiellement faire grossir ce collectif-là tout en agissant ensemble. C'est vraiment super important. Et donc je pense que c'est question d'appliquer les principes démocratiques qu'on aimerait voir par ailleurs dans d'autres sphères de notre vie, peut-être la sphère publique, c'est quelque chose aussi d'important pour nous. Ok, donc les bordures, la démocratie. Louise, est-ce que tu as envie de rajouter un chantier commun? Oui, moi je dirais oser se parler, créer du lien, voilà, et voir dans autrui une richesse et pas quelque chose d'étranger, de bizarre, de différent de nous, qui pense pas comme nous, qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. Je pense que j'en ai parlé plusieurs fois déjà ce soir, on en a toutes et tous parlé, mais le côté croiser nos regards, sortir de cette vision un peu en silo, chacun, les architectes restent avec les architectes, les ingénieurs avec les ingénieurs, etc. Essayer un petit peu de se faire rencontrer tout ce monde-là. Et voilà, peut-être de non seulement les faire se rencontrer, mais après s'écouter, quoi. Retisser ce lien, parce que on les fait se rencontrer dans le monde du bâtiment, de l'urbanisme, mais parfois ça se passe pas bien parce qu'on s'écoute pas, quoi. Donc peut-être ça serait ça, mon chantier commun. Simon? En fait, je pense que ça va un peu recroiser ce qui a été dit, mais je crois que pour moi, c'est, il y a un truc qui me tient à cœur en ce moment, c'est de comprendre que la liberté, c'est la dépendance. J'ai bien dit dépendance parce que pour moi, c'est un truc qui est fondamental, c'est de comprendre que la dépendance dépend des autres, dépend du reste du vivant. En fait, déjà d'une, c'est comme ça. En fait, c'est juste, c'est pas une question de choix, c'est comme ça. Et de comprendre que c'est nécessaire de l'accepter pour se sentir libre aussi. comprendre qu'on a besoin de comprendre, enfin, comprendre qu'on a besoin de comprendre qu'on est interdépendant, c'est à mon sens ce gros chantier qui est nécessaire. C'est de, voilà, de se dire, ah ouais, en fait, bah, que cette personne, dans son activité, dans sa vie de tous les jours, mon voisin, ma voisine ou quoi, bah, elle œuvre pour quelque chose qui me dépasse et dont qui m'est nécessaire par ailleurs, pas forcément directement, que quand dans nos métiers, bah voilà, Louise le disait, bah ouais, il y a quelqu'un qui est passé avant moi et qui passera après moi sur une chaîne, quelle qu'elle soit, bah c'est aussi nécessaire. Et puis dans le reste du vivant, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui m'entoure, peut-être je le vois pas directement là, mais en fait, ça m'est nécessaire. Et moi, ce que je fais au quotidien, j'impacte aussi ce qui m'entoure. Et donc, comprendre qu'en fait, ce sujet de la liberté qu'on nous fait, du coup, dans ces questions d'imaginaire et de récit, si je boucle avec ce sujet, bah, souvent, on a tendance à nous dire que la liberté, c'est justement l'indépendance, c'est aller chercher un maximum d'indépendance. Bah, j'aimerais bien qu'on comprenne que ce soit l'inverse, quoi. Que se dire, bah, en fait, non, peut-être on se re-questionne, on se dit, mais en fait, est-ce que la liberté, c'est pas finalement la dépendance ? Voilà. Merci, Simon. Si on peut se faire un petit rappel avant de conclure pour nos auditrices et nos auditeurs qui souhaiteraient en écouter plus et en lire plus aussi sur vos productions de contenu, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Anne-Sophie ? On peut te retrouver par exemple sur Les Mots Sauvages, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, je suis pas sur toutes les plateformes d'écoute, mais Spotify, etc. Et puis sur Instagram, lesmotsauvages.podcast, je crois, ou je sais même pas le nom de mon compte. Alors, bon, les mots sauvages, il n'y en a qu'un. Vous pouvez retrouver le compte d'Anne-Sophie sur le site de Chantier Commun, sur la page de l'événement, là, en ligne de ce soir. On mettra le petit lien vers l'Instagram et vers l'Instagram de tous nos invités. Louise, où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre ton actu et tes contenus ? Eh bien, sur Instagram, LinkedIn, beaucoup des plateformes d'écoute aussi. Execo, ça s'écrit EX-6OECO. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, vu que j'ai la parole, il y a la saison 2 qui va démarrer fin mars. Voilà, et qui va se dérouler sur tout le printemps, été, automne, sur le cycle du vivant. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Je vais publier des épisodes qui vont être liés entre eux, où je vais faire dialoguer plusieurs personnes dans un concept différent de la saison 1. Donc voilà, n'hésitez pas. Trop bien, merci pour le teasing. Manon, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tout à fait, alors on peut me retrouver de manière très originale sur Instagram et LinkedIn aussi, sur le compte Rêve la ville-du-8, donc le tiret du bas podcast. Et sinon, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux du collectif. Donc on a aussi Instagram et LinkedIn, donc c'est collectif Les Voix de la Ville. Et si vous voulez un petit peu découvrir les membres du collectif dans un format un peu fluff qu'on a voulu un peu rigolo, il y a l'épisode qui vient de sortir aujourd'hui, donc qui revient sur l'organisation du festival. Donc n'hésitez pas à aller le retrouver sur les plateformes audio. Merci Manon. Simon, même question. Si nos auditrices ou nos auditeurs de Phoenix ont envie de découvrir plus sur ces nouvelles voies urbaines, sur quelle plateforme on peut te retrouver ? Ouais, bah tout à fait, bah pareil, toujours aussi original dans ce collectif. Donc Instagram, LinkedIn, nouvelle tirée du 8, donc tirée du bas, voie VOIES. C'est les voies comme les chemins tirés du bas urbaines, tout au pluriel. Et donc pareil, plateforme d'écoute, Spotify, Deezer, des choses moins connues aussi. Et ouais, et voilà. Parfait. Et petite dernière question avant de nous quitter, est-ce qu'il y aura un prochain festival, Les Voix de la Ville, l'année prochaine ? Est-ce qu'on peut avoir un indice ? Et oui, tout à fait. Alors, première annonce publique, on est en train justement de réfléchir à remettre ça donc l'année prochaine, et donc de pouvoir effectivement proposer une deuxième édition du festival. Voilà, alors pour l'instant, il ne faut pas demander le thème parce qu'on n'en sait rien encore, mais c'est effectivement une décision qu'on a prise il n'y a pas très longtemps. Et du coup, appel à bon entendeur, on est toujours en recherche de partenaires. T'as raison, Simon. Donc, s'il y a des généreux mécènes et partenaires qui ont envie de financer le festival Les Voix de la Ville, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Une bouteille à la mer est toujours bonne à lancer. Merci pour cette exclusivité. Et puis, on invite aussi nos auditrices et nos auditeurs qui auront envie de proposer des thématiques pour le festival de l'an prochain, vous écrire sur vos réseaux sociaux, le collectif Les Voix de la Ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie, Manon, Louise et Simon. Merci de votre présence ce soir pour discuter un petit peu de vos pratiques de nouveaux médias, de créatrices de contenu, de l'architecture, de l'habité, de l'espace et de la transition écologique. J'invite vraiment toutes nos auditrices et nos auditeurs à aller découvrir vos comptes, vos médias, vos podcasts qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Nous, on était ravis de vous recevoir dans cette émission en direct sur Phoenix pour la 8e édition du festival Chantier Commun. Et peut-être voilà, un nouveau crossover l'année prochaine avec Chantier Commun pour aller dans les exclusivités. Voilà, on se pose la question d'avoir quelques formats nationaux l'année prochaine pour sortir aussi de notre Normandie. Et donc, ce sera aussi peut-être un plaisir de vous croiser à Paris l'année prochaine ou ailleurs. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Cette émission est retransmise en podcast sur le site de Radio Phoenix et je vous invite à retrouver toute la programmation de Chantier Commun sur chantiercommun.fr. Merci, bonne soirée et à bientôt.